Vous êtes plongé dans le mix de Ludovic. C'est maintenant. Ok. Je t'habille de pas faire le con. Tu connais cela, son enlève tes phares quand tu vas pécho. Elle faisait trop la folle, elle s'inquiète, toi direct j'ai qu'est chaud. C'est la zone poteau, on assume toujours quand c'est chaud. Christian Dior, qu'est-ce qu'il y a dans la poche, tu sais qu'on n'aime pas trop les mythos. À la Montana, tranquille, je m'allume un Monte Cristo. Quand je vais trouver ma Kadi, je lui offre une bague certie de Cristo. Je demande des conseils à Khalif, il me dit Nabil, tranquille, amuse-toi. J'ai fait des showcases de malade avec des bombes pendant les listes. Ok. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf. Rapta le week-end, elle fume la chicha caloute. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf. Rapta le week-end, elle fume la chicha caloute. Je suis matrixé, j'arrive comme un Daft Punk avec un casque ouf. J'lâche dans le rap, j'me sens comme Pablo qui s'embrouille avec un chouf. Va t'en comprendre, j'vole en business, tu lui déstresses, j'suis pas dans les salades. Elle a la gamberge, elle joue au Real, elle a la dégaine, un hajat de malade. Y'a plus personne à violenter, gros cigar sur grosse renta. J'roule un gros linge d'Hollandais sur les poteaux dans Koh Lanta. J'vais t'apprendre à piloter, à porter du VVS. Qu'elle vienne pas nous mitonner quand j'roule avec NAPS. Yes. Fume la chicha caloute. Elle a la dégaine. Elle a un truc de ouf. Rapta le week-end. Elle fume la chicha caloute. Lambo, Maranello. J'fume le shit caramello. Un pétou, des Raffaello. J'arrive tantôt, j'bois un amaretto. Lambo, Maranello. J'fume le shit caramello. Un pétou, des Raffaello. J'arrive tantôt, j'bois un amaretto. Elle a la dégaine. Elle a un truc de ouf. Rapta le week-end. Elle fume la chicha caloute. Elle a la dégaine. Elle a un truc de ouf. Rapta le week-end. Elle fume la chicha caloute. Parce qu'on est sûr de rien. Ici les mecs bourrés, on les fait redevenir à jeun. Il t'en reste sur le nez, il m'en reste sur les mains. Voilà la différence entre la conce et le gain. Et dans le ghetto la nuit, tous les clients sont gris. Mais chaque chose a son prix. De la sacoche j'ai fait le tri. Parce que les trous ça va trop vite. Des armes, de la drogue, des gadgets, frère y'en a à l'appel. L'OPJ, l'Ocris, la BAC, tous savent comment je m'appelle. Des armes, de la drogue, des gadgets, frère y'en a à l'appel. Le proc, la juge, le parquet, tous savent comment je m'appelle. T'écrases des doliprane, tu vas aussi morfler. Je m'endors à la jungle dans les bras de Morphée. Sur le mur de mon salon, ta tête en guise de trophée. T'as ramené de la frappe, poto c'est impérible. Je t'ai fait une passe, pourquoi maintenant tu dribbles? Ton rappeur il ment trop, en plus il est inaudible. Ne jure pas sur le Coran, ne jure pas sur la Bible. Et dans le ghetto la nuit, tous les clients sont gris. Mais chaque chose a son prix. De la sacoche j'ai fait le tri. Parce que les trous ça va trop vite. Des armes, de la drogue, des gadgets, frère y'en a à l'appel. L'OPJ, l'Ocris, la BAC, tous savent comment je m'appelle. Des armes, de la drogue, des gadgets, frère, y'en a à l'appel. Le proc, la juge, le parquet, tous savent comment je m'appelle. So, so, my dad, so.

répond. On achète, on revend. On arrête, on reprend. Avec un peu de bien et de mal, on est fait. J'ai fumé tant doré, mais j'attends les faits. J'suis plus un ange, je sais, on est fait. On était liés, mais on s'est défait. Devant les gens, ils me diront mon frère. Première occasion, pensera à me faire. J'me roule un grip pour me calmer les nerfs. Et on se dit, ah, dans quelques millénaires. Veulent voler mon flow et veulent voler ma zik. Et c'est mes babies des tout petits nous. Pourquoi que des bofs et des coups de genoux. T'es ma tête dégaine, t'as tout chez nous. C'est y'a qu'il y a pipi, mon bigot magique. Mon caillou arrive, j'suis dans le carrosse. J'appelle à Paris des tout petits bouts. Ma boubi qui boubi, dit babi, dit bou. Tu crois que j't'évite alors que j'maillis. Elle veut savoir, j'suis dans quel bail. Agité comme s'il y avait un meilleur fusil. J'aime quand ça bang bang bang. J'te convoque dans l'implicité dang dang dang. Et j'ai d'une de gagne ou autre. De ça qu'on sait faire la bang bang bang. J'ai l'argent d'un appart sur le poignet, donc j'ai mal au bras. J'ai dépensé un an de loyer juste pour la guenda. Toute la semaine j'dois faire du purple pour la guenda. Toute la semaine j'dois faire du purple pour la guenda. Vendredi, samedi, dimanche, j'suis un guenda. Vendredi, samedi, dimanche, j'suis un guenda. Toute la semaine j'dois faire du purple pour la guenda. Toute la semaine j'dois faire du purple pour la guenda. Et vendredi, samedi, dimanche, j'suis un guenda. Vendredi, samedi, dimanche, j'suis un guenda. Toute la semaine j'dois faire du sa mère, j'ai le seum, faut que je la chope. je la chope. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Faut que je la chope. C'est la bêtise là-bas que je kiffe. Trop que ça chope. Dans le bis, sans cas, faut bien que ça me serve. Faut que je la chope. Tranquille, j'observe, faut pas que ça me stresse. Faut que je la chope. Hein. Rolique, on tue si c'est nécessaire. Faut que je la chope. Elle est bonne, sa mère, j'ai le seum. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Putain de merde, le monde est méchant. Ouais ouais. Oui mon cher, le monde est méchant. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Faut que je la chope. Putain de merde, le monde est méchant. Ouais ouais. Oui mon cher, le monde est méchant. Faut que je la chope. Faut que tu prends dans le tas. T'es plié, n'est pas comme le béton. mec à fond trap. Si tu veux ton flic, passe en DM. 50-50, j'ai mon bénéf. Barre-toi, salem. Wesh, les mecs, on dit le pas. Jack, mais sur la véranda. Allô, bébé, attends, je suis au studio. Je peux pas t'appeler, je dois inspirer quelques rappeurs. Ça sème par-ci, ça sème par-là. Et quand je m'ennuie, je me fais des tubes en un quart d'heure. Faut pas comprendre comme moi, fâché. Moi, pas parler, manger, instruit pendant des heures. Je suis très poli et généreux. Si tu me crois up, tu peux demander même à ta soeur, sale fou. Ludovic. Mes ennemis, même tous. Ah, tiens, traite tout. Et c'est pire qu'avant, y'a ma tête partout. Tout, tout. J'suis King Konga, j'suis King Konga, Konga, j'suis King Konga, j'suis King Konga, Konga, j'suis King Konga, j'suis King Konga, Konga, j'suis King Konga, j'suis King Konga, Konga. Et t'es approche sur les compètes, tu voulais m'éteindre mais t'es trop bête. C'est pas que j'ai pris la grosse tête, mais t'as gâti m'a mis en fond d'écran dans son fun tech. Eh ouais, la faute rap, c'est pas adré. J'ai vu des mini mois, mais ça se voit que c'est du calqué. Chaque année, c'est mon année, 8 ans que je rappe, c'est pas maintenant que ça va se calmer. Fucking boss, mon sauce, j'te cache pas que j'ai la dalle atroce. J'ai gratté matin, midi, soir, les beatmakers n'auront pas de vacances. T'as capté, top top, assassin, c'est MH, un de vos clients fidèles. Top top, le top stream, c'est papa, j'suis revenu poser ma petite tête. J'ai le code moula illimité, et yet ma paire, c'est une édition limitée. J'veux que m'chez branche, j'ai pas quitté, enlève ta main, mon écho, petit temps. J'suis King Konga, j'suis King King Konga, j'suis King Konga, j'suis King King Konga, j'suis King Konga, j'suis King King Konga, j'suis King Konga, j'suis King King Konga, j'suis King Konga, j'suis King King Konga, j'suis King Konga, j'suis King King Konga. Donnez-moi de la moulaga, donnez-moi de la moulaga. T'es comme sous l'axe, un esprit. J'fume que de la moulax, un esprit. BG sur tes max, un esprit. Le rétro gauche nique ma Rolex. J'suis tellement une moula qu'elle veut que j'la casse. 5 piges que j'nique le game, putain le temps passe. J'ai même pas dessoulé. Heuss l'enfoiré, les méchants, tu me reconnais. Les deux bois, les showcases, les tempêtes, la monnaie. Donnez-moi de la moula, une bouteille de collage. J'ai même pas décollé. Qui t'a compressé, c'est pour mieux décompresser. Demande au V, c'est pas du rap de caissier. Les aristocrates sont là que pour encaisser. Caissier, encaissé, je sens que je vais tout casser. Totorina, juste avant son décès. Guitarisé comme un mec d'ACDC. Donnez-moi de la moula, gars. Moulaga, un survêt dans le carré, on est sur.

papa, te quiero. C'est poison dans le cheesecake. Et madame veut des noms. Elle veut que je me dénonce. C'est l'heure de jouer la montre. Des fois le bébé c'est bon. Elle prend mon bigot, me demande qui c'est. Des prénoms de rebeu, pap, tout est chismé. Elle a peur que je fasse que t'es chisté. Me prend la tête sur mes coachs, j'allais kisser. Mais madame veut des noms. Elle veut que je me dénonce. C'est l'heure de jouer la montre. Des fois le bébé c'est bon. Oh, dis-moi. Pas que quand je vois le 17. Je suis acteur de Hugues, le game est pucelle. Trop déçu donc voir chacun de mes verres en cul sec. Elle aimerait que je la démonte. Pendant des heures des plombes. Dans lumière ou pénombre. Je connais même pas son nom. Elle est fan de moi depuis le lycée. Tous mes vieux sons elle avait déjà pisté. Une groupie qui sur moi avait misé. Elle a toujours rêvé de moi, je la fais trop kiffer. Elle aimerait que je la démonte. Pendant des heures des plombes. Dans lumière ou pénombre. Je connais même pas son nom. Oh dis-moi. C'est compliqué d'être en couple et de gérer le début du succès. Je te promets rien, je préfère qu'on arrête, qu'on coupe court. Ma chérie m'a beaucoup trop accusé. Mais tu sais, c'est compliqué d'être en couple et de gérer le début du succès. Je te promets rien, je préfère qu'on arrête, qu'on coupe court. Oh, dis-moi, ouais. Ludovic in the mix. Sapé, parfumé, le dé est préparé. Gros frère, je te promets, ce soir ça va parler. Vision, tu as envoyé, ce soir c'est la reggae. Ce soir c'est la reggae. Ce soir c'est la reggae. Yeah. bois pas. Assim você me mata.

dips, pompe pas. Abdo dips, pompe pas. Allez, allez, allez, allez. Balade, seconde de récup. Balade en bolide. Même c'est les frais, j'ai baissé la vite. J'étais ma son cage, j'étais ma son car. Ça rend full business. La puce c'est les gueules. J'ai le bas c'est les bâtards, pourquoi t'es sur la file de gauche? Allez, dégage ta mère. J'suis avec les malgaches, comme au Kosonink et au Gesh. Faut-des. Si elle fait la baisse, pas compliqué, R par en ish. T'es par où tu te caches, tu fais le bon Jim, mais tu vends la mèche. Tu vends la mèche. Même quand il fait hoche, sur Paris, les petits revendent la neige. Yeah. Wesh, mon frère, la baisse, faut pas que tu retournes ta veste. Tu retournes ta stuff. Avec sa kermesse, ouais, c'est le Prada, les toutes nouvelles pièces. Les toutes nouvelles pièces. Et ça fume la couche. Que de la frappe qui te couche. Qui te couche. Que ils se touchent. C'est des flocons mais ils en gravent la bouche. J'quitte la zone. J'bende à Côte d'Azur. Côte d'Azur. Bina Côte d'Azur. Médusa. Enfoiré Mobusan. J'quitte la zone. Bigo en mode avion. M2 jusqu'ici. Tout tout bang. Y'a brouillon ça peu. Tout tout bang. Mon frère la baisse. Avec le gang, Harbat, Harbat, Samuel. Elle est bleue dans le bat. Toujours j'suis gelette en Clio, en Corvette, Corvette. J'fais des boulettes sur mon sorvette. Ouais, les baisses double wet. Tu tires une taf, t'as bubble wet. Y'a le Covid, mais distance d'un mètre. Elle est fraîche de benzé. Elle est moins dans la fusée. On quitte la zone, on part en ce moment dans le side. Y'a grave les pas. Font des chiminiques, font pomper nam, j'en l'enjoint d'un mètre. Distance d'un mètre, y'a le Covid, j'm'envole sur Namek. J'quitte la zone, j'bende à Côte d'Azur. Côte d'Azur, Bina Côte d'Azur. Medusa, enfoiré Mobusan. J'quitte la zone, bigo en mode avion. M2 jusqu'ici, tout, tout, ben. Y'a brouillon, ça peut. Au ciel on va aller. J'vais laisser mes biens en bas. Toutes mes années de galère. Où j'me disais ça ira. Fais un pas de travers. Une bécane tu t'en iras. J'fais ce qu'il a par cœur. C'est soit Bercy soit du fer. J'suis dans le carré. Loin de Bradard si j'ai mon fer. J'barre dans la ville. 700 chevaux Ferrari. Tu connais le tarif. Fais pas le gros c'est pour un kill. J'm'y crave à pas d'heure. J'vends la moulin dans le bain. 3 kilos d'aïe. A cover maman. Moi je voulais juste la ken. T'es chez moi pas haut. J'me rappelle plus de la salle. Elle va s'en remettre si tu savais. Blanche au caramel, c'est son remède. J'suis sur la night. Elle va s'en remettre si tu savais. Blanche au caramel, c'est son remède. Nous restons sur le bateau. Jamais il ne chavira. Je devais voir Anso. Au final j'ai vu Samira. Passe-moi à travers, jamais tu ne me graviras. Tu n'as pas de valeur, jamais on ne se ralliera. Je ne connais pas le bon, à part celui dans la jungle. Drapeau noir et blanc, je reste devant. Je préfère être à l'attaque. Si je n'ai plus de limite, je m'arrête haut. Je prends mon linceau devant personne, je rejette tout. Je ne demande qu'à t'aimer, te montrer mon main. Quel est le versage, le déchet, elle est trop bonne. Voilà, c'est B, je vais l'emmener à l'étranger. Peut-être sur place, je vais les changer. Faire le clé ou l'étrangler. Je suis quand léger, que la CB. J'traga là, mon mot est ni. Beaucoup de cash, je la séduis. On tire dessus, j'entends des bruits. Mais mon réserve, je la détruis. J'viens du neuf, de la quality. Tu connais déjà l'état d'esprit. Elle m'a demandé combien ça coûte. Comme si j'avais regardé prix. Je sers la night. Elle va s'en remettre si tu savais. Pour la school mais pour le fou, mais

ça veut le port d'armes. Et les gros doigts, j'en code Van Damme. J'fume la beuh d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne. Des fois j'passe par le secteur, ils me reviennent les souvenirs. Les temps pleins dans le quartier, avant de voir les souvenirs. J'pas le salaire d'un joueur ballon, j'pas encore de tigre dans le salon. J'pas changé, j'représente toujours. T'as un soin à farlette pour mettre une talon. Et en promenade, ça travaille les pecs. Rien du parlu, ça arrache des têtes. Tu fais une balance, elle m'a dans les bêtes. Tu fais une balance, elle m'a dans les bêtes. Tu me racontes tes blèmes, j'ai d'autres soucis. Il m'embellit même, c'est la jalousie. Il récolte ce qu'il sème, je suis comme ton pro aussi. Dis-moi ce qui gêne, je dis ce que j'ai. Je dis ce que j'ai, je dis ce que j'ai. Je dis ce que j'ai. Ça veut le port d'armes, les gros voix, j'en code Van Damme. Je suis une rappe d'Amsterdam, celle qui est bonne qui compte au pan. Ça veut le port d'armes. Ils sont dépassés comme des Dreamcast. Les gros tu rappes comme un 2004. Avant 30 ans faut que je dépasse les 2004. Montclair, allemand, mentalité allemande. Dans les pockets j'ai la quiche, t'as le lin, les antilles des pieds serrés, les calmants. J'ai v'là en réflexe comme Allison. Négro, je suis foncé dans le vaisseau comme Harrison. Carré New York comme le Madison. À Dakar sur la corniche comme le Radisson. Versace pour les sandales. Fuck c'est négro, c'est des snitch, c'est des randals. En CF alors flow c'est 100 balles. Rien que je décroche, je les mets dans la sauce 100 balles. Nouvelle le bout tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des pics au bout. Demi-tour, slide. Nouvelle le bout tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des pics au bout. Demi-tour, slide. Il est vers 4 ans des pics au bout. Mercedes, CLS, concurrence, BLS, BSB, 667, Black Mafia comme BMF. Mais gros j'arrive long comme Dick Dat. Équipe, hop des pills comme des tic-tac. On les casse en 4 comme des kick-tac. Les bonbons sont remplis de cocaïne. Wow, flexing. D'acajine en guise de protéines. Wow, thanks. Je connais chez nous que la 09. Si je sors le faire, c'est pas pour les meufs. Zéro blé, j'ai des gains, pousse-toi, clip. Wow, j'suis pas le Tolkien, mais tu peux me laisser. Au pire des cas, j'me casse pendant que tu me laisses. T'aimes à la quiche, toi. T'aimes à la taille de la quiche, toi. T'aimes à la quiche, toi. T'aimes à la taille de la quiche. On ne veut qu'accumuler du monde. Et on est prêt à finir dans la presse. C'est des tisons qui fait nos moves. C'est réciproque, arrête tes jolies fesses. Sexy, wah. On veut la bombe, on roule un grain et on parle. 30 kilos et tes grammes ou pas. Si tu veux couiller, on va tuer. Prométhazine avec la codéine. Dieu est fer, négro, pas de protéines. Lunettes quartier comme si Grizzly. J'arrive lourd comme si Grizzly. Faut un salaire comme si je joue chez les Grizzly. J'vois le poison, j'vois le venin. Vision trouble, mais j'vois le chemin. Sur une taf de monter, tu perds tes neurones. Shenzhen, Gazo, tu sais qu'on est là pour les euros. Hey, nouvelle le bout, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des pics au bout. Demi-tour, slide. Nouvelle le bout, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des pics au bout. Demi-tour, slide. Et les verts qu'à ton les pics au bout. Mercedes, CLS. Ma chérie t'es plus comme avant. Ma chérie t'es plus comme avant. Ma chérie t'es plus comme avant. Ma chérie t'es plus comme avant. Elle a refaissé, lolo, lolo. Quand je la vois, je suis un pétasse. Elle a refaissé, lolo, lolo. Quand je la vois, je suis un pétasse. J'encaisse, ma pèse, gros contrat comme Kylian Mbappé. Sors les bouteilles, on va fêter. L'hôtel est en mauvais état. Dans tous les cas, c'est la cité. J'encaisse ma peste. J'encaisse ma peste. J'encaisse ma peste. J'encaisse ma peste. Mais pourquoi tout le temps t'es agressif? Mais pourquoi, pourquoi? Mais pourquoi tout le temps t'es agressif? Mais pourquoi, pourquoi? Pas les mêmes contacts. Pas le même train de vie. Veneta, Bottega. Ce soir, moi aussi, je suis full. Ah, tu m'en veux. Montana. Un vrai charron n'a pas de mer à palais. On fait danser les gars, on fait bouger les go. Elle m'a dit tous les gars pour me donner le go. On fait danser les gars, on fait bouger les go. Elle m'a dit tous les gars pour me donner le go. J'encaisse ma peste, j'encaisse ma peste, j'encaisse ma peste, j'encaisse ma peste. C'est très macabre, on vient de le tarder, y'a personne pour soigner. Fallait pas venir, hey, hey, hey, hey, hey. Oui, fallait pas venir, hey, hey, hey, hey. Le soir on te dort, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Le soir on te torture, y'a pas de mise qui me tête sur la bordure. Rejoins la meuf, aou, aou, aou. Lamborghini, pas de cloche, c'était